Bon écoute là, parce que maintenant on arrête de délirer là, t'as intérêt à marcher putain d'enculé de sa race de Khamed. Ouais! Je passe mes week-ends chez un pote ou une copine. Le résultat est même, je bois, mais je reste digne. Je ne veux pas, j'ai jappé les paroles, j'ai pas. Et je viens aujourd'hui parce que j'ai assez parlé des autres. J'ai pas les paroles, donc comment je vais faire? Réfléchir sur le monde m'a épuisé. Je gravirai les marches et que mes rimes soient les piliers. Yo! 18 piges et aucune heure de tige. Je n'essaie pas d'être un meilleur. Putain, fais chier. Mon principe avance, c'est suivre la cadence et zapper les problèmes, qu'est-ce que l'on facile. Mais je vais me rater, je vais recommencer. Je n'ai sûrement pas besoin de l'homme. Putain. J'ai seulement ce besoin. Putain. Amitié aléatoire, mais qui reste soudée. Putain. Je n'essaie pas d'être le meilleur ou un exemple. J'ai seulement besoin de feu. Putain. Oh, je cite B2ODA, car c'est le... Ah là là, mais... Laissez-moi planer, laissez-moi sur le sol, c'est... Putain. Je cite B2ODA, car c'est le type qui a... Mais pourquoi... Laissez-moi planer, laissez-moi sur le sol, j'essaie... Ah putain, fuck. Moi les gars, c'est Paquet, car c'est le type mortel, il a la... Fight dans le sang, mais le cœur plus gros que lui. Laissez-moi faire ma vie avec, Cyriel, je ne sais même pas si ma bi... Yeah. Un exemple, il a compris le mot sociable. Moi les gars, c'est aussi Bolto. Non. Moi les gars, c'est aussi Bolto, car je lui essaie. Ah la putain, c'est dommage. Laissez-moi planer, laissez-moi sur le sol. J'essaierai sans arrêt, je prendre mon envol, laissez. Moi le gars, c'est aussi Bolto, car je... Ah, ça... Moi aussi, je te pas... La vache. Ah, la vache, je vais le défoncer, ce texte de merde. Moi et les gars, c'est aussi Bolto, car je lui ai fait assez de mal comme ça. Bon moment, bonne soirée, bon c'est vrai, bomba, vas-y, va te faire enculer. Moi les gars, c'est aussi Jamal, la pique. Ah, dommage, à chaque fois. À chaque fois, c'est Jamal. Moi les gars, c'est aussi Bolto, car je lui ai fait assez de mal comme ça. Bon moment, bonne soirée, bon. Moi les gars, c'est bien sûr Jamal, mon compagnon, je te le dis. C'est un type que je suis, pitié. Je n'oublie pas Faki, avec qui je m'essaie au micro. Pas de parcours et pas de tout court avec qui on... Là, putain, je t'ai raté, mec. C'est moi qui va te faire chier, maintenant. Je n'oublie pas dans mon discours, la vraie pique, qu'on soit ta grand-mère, je la nique, bâtard.